Mes amis, quelle soirée! Hier soir, j'ai participé à l'émission Question pour un champion spécial Grandes Écoles. Alors, il y avait du monde, du beau linge. Il y avait John, un Américain, élève de X, l'école de formation des acteurs porno de Michigan, l'équivalent US de HEC, la haute école du cul. Il y avait Sylvie, une idiote, qui faisait HEC, haute école de coiffure. Il y avait Michael Jackson, de HEC, haute école de chanson. Quant à moi, je me suis dit, ah, fais comme les autres. Je me suis présenté en tant que directeur d'HEC, Helmut Education Center. Eh ben, croyez-moi, ça a donné. Pour que vous preniez la tension ambiante, je vais vous apporter un petit best-of de ce qui s'est passé. Attention! Question! Je suis une plante à feuilles piquantes. Oui, Sylvie, étudiante en coiffure? Le bicoudi. Non, Sylvie. Je continue. Je sers souvent de décoration de Noël. Oui, Michael, étudiant chanteur? Le ou, excellente réponse de Michael Jackson! Oui, on peut l'applaudir. Mais attention, le jeu continue. Question! Je suis la 15e lettre de l'alphabet. Oui, John, étudiant acteur porno? Bravo, excellent! Oh, et bien la 15e lettre de l'alphabet! Ils sont forts! Attention, Helmut et Sylvie, il ne reste plus qu'une place pour accéder à la prochaine épreuve! Question! Action par laquelle on rabaisse une personne, par laquelle on la... Oui, Helmut? L'humiliation! Félicitations, Helmut! Humiliation est une bonne réponse! Oh, c'était facile, c'est ma spécialité! Oh, mes amis, quel suspense! Quelle angoisse, mon Johan! Au bout de 20 minutes, je me suis retrouvé en finale face à John, l'américain élève acteur de films porno! John et Helmut, vous avez 29 points chacun. Cette question s'annonce déterminante puisque je vous rappelle que le premier à 30 gagne la partie. Question! Quelle est la dernière phrase qu'a prononcée Louis XVI avant d'être guillotiné? Oui, John, élève film porno? Fuck it, baby! Non, John! Louis XVI n'a pas dit suck it, baby comme dernière phrase. Une idée, Helmut? Oh, que les couilles du Kaiser me fouettent le gland, je le savais! Excellente réponse, Helmut! Eh oui, peu de gens le savent, mais Louis XVI a dit comme dernière phrase que les couilles du Kaiser me fouettent le gland, je le savais! N'oubliez pas, chers téléspectateurs, que Louis XVI avait épousé une Autrichienne, Marie-Antoinette, d'où ses nombreuses références au Kaiser. Bravo encore, Helmut, mais dommage, je ne peux valider votre réponse, vous avez oublié d'appuyer sur le buzzer. Vous êtes disqualifié et c'est John qui gagne la finale et les 150 millions d'euros. Oh, Johan, mon ami. Vache. Vous vous doutez bien que cette disqualification a eu sur moi des effets nocifs, comme la perte de mon sang-froid. Et sur l'animateur de l'émission, des effets malheureux, comme la perte de tout son sang. Bon, je vous laisse, je n'ai pas tout à fait terminé. Je retourne pour faire bouffer le buzzer à John, l'étudiant porno. Je vais lui apprendre à me piquer 150 millions d'euros à ce pingouin. Allez, au revoir.